Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Une vie, une histoire, nous allons écouter l'enregistrement que nous a envoyé Madame Juliette Scoudi. Eh bien voilà, je m'appelle Juliette et j'ai 50 ans. J'ai eu pendant 48 ans une vie tout à fait normale. J'ai grandi dans une famille modeste et unie. J'ai commencé à travailler très jeune et je me suis mariée à 22 ans. Avec mon mari, nous avons élevé 3 enfants. Ils sont peu à peu partis de la maison. Ma fille, la dernière, il y a 3 ans. Quand mes parents sont morts, mon mari et moi, nous avons décidé de nous installer dans leur ancienne maison. Nous nous sentions très seuls. Un jour, par hasard, je mettais de l'ordre et j'ai trouvé dans une vieille armoire une fiche d'état civil au nom d'une femme, Huguette Meunier. J'ai pensé à une cousine inconnue et j'ai voulu la connaître. J'ai consulté la mairie, j'ai réuni toutes les informations possibles et peu à peu, j'ai su la vérité. D'abord que j'ai été adoptée à l'âge de 6 mois. Ensuite que Huguette Meunier était ma vraie mère. Enfin que je ne suis pas fille unique, mais que j'ai 5 frères et sœurs. Quel choc! Le mois dernier, j'ai rencontré ma vraie famille. C'est facile! Ils habitent tous à côté de chez nous. Nous nous sommes embrassés. Nous avons ri et pleuré. Et nous avons aussi beaucoup parlé. Je crois qu'une nouvelle vie est en train de commencer pour nous tous. Mais je ne regrette rien du passé. Mes parents adoptifs, je les ai aimés et je les comprends. Ils ont eu peur de me perdre. Seulement, je suis très très heureuse d'avoir une nouvelle famille et j'espère la revoir souvent. Imaginez, je suis sur le point d'être grand-tante. Quel beau témoignage, n'est-ce pas, chers auditeurs ? Nous attendons vos nombreuses réactions au 01 46 24 32 45. À bientôt pour un autre témoignage.